Yeah. I do it for the ladies. No. Yeah. I do it for the ladies. Come on, girl. No. Mon son, tu le connais. Celui qui te fait bouger. À minuit, lâche-toi cette fois. Cette soirée, c'est pour toi et moi. Just you and me. Watch your body, girl, for me. Oh, my baby. Oh, my baby. Bouge ton boule, fais ma plaisir jusqu'à ce que tout s'encoule. Je veux que ma soirée se répande jusqu'à Istanbul. Faut que ça bounce, faut que ça whine, parce que ça va dans le souk. Faut que tu tiennes le coup et que tu restes au coup. Car quand on rap, quand on chante, que Jacobé, tu deviens ma bitch, deviens ma bitch. Faut que tu kiffes et que tu perds sur le speech comme ça. Amine, lâche-moi cette fois. Cette soirée, c'est pour toi et moi. Just you and me. Watch your body go for me. Number one, NSB, yo, I say 5, 6, yo, 7 to the A. Just hesitate, cause it's back like a cap. You know I want his beavin' on my grief, I'm a nigga. On the club, there's no streets, I'm a seller. When it came in body, I'm say you wanna love her. You ain't done it, yo, call you, let's go. Quand on débarque sur le pic, un peu par toi, c'est que des hits. Je veux juste que tu profites, éclate pas sur mon cockpit. Car tu es OP, tu es prêt à sauter. Tu es prêt à bounce, prêt à move, très très mouvement. Tu as voulu t'éclater, t'as pas eu à demander. Par rapport aux opétages, car tu les fous à l'amende. Je sais bien que tu nous en donnes, seulement on en redemande. C'est que tu es stodé, rien que tu stailles à la demande. Amine, lâche-moi cette fois. Cette soirée, c'est pour toi et moi. Just you and me. Watch your body, girl, for me. Baby girl,